suis né, douce compagne de mes jeunes années. La ville pleure et ses larmes de pluie dansent et meurent sur mon cœur qui s'ennuie. Et moi je rêve de toi. Le temps s'efface, pour moi rien n'a changé. De bras m'enlace parmi les champs de blé. Et moi je rêve de toi, ô mon ami. Là, la joie, la joie.